ou pas que ça. Faut que ça fonctionne autant que si on pète des joints. Il vaut mieux ça que l'on te pète le coq si ça paraît dur, dur avec du recul. Je me dis que rien ne changera parce que les balles fusent seulement pour dire que je ne pense qu'à mon posca et pose calmement le constat. Les cons se battent dans ce cas, je me dépense car je suis dans ce cas. EMA, l'ennemi, agit dans l'ombre, camarade. Hey, camarade, m'appelle pas ça que si derrière y'a commérage. En effet, ça m'effraie, mais chez qui paiera les frais. Le positif ici, c'est que parmi les frères, chez qui sont les vrais. Au clair, tout s'éclaire et sa clarté t'assombrit. On fond, tout s'effondre et s'affronte pour que nulle heure brille. Dehors, c'est de l'or et des ordres pour renaître sombre. Et en dessous, c'est souvent des sous des pour être à l'heure. Je reste en noir, car mon rap est dark. Ma Marie Jeanne, j'attends que Marine Jeanne, c'est pas tard quand on débarque. Ta dièse au mic, c'est technique, mon technique. Les faux types, mes textes, ils passent, n'est qu'un égo trip. Tous nostalgiques, on n'écoute pas nostalgie. Donc on emploie notre magie pour te sentir gros flagship. Nouveau chapitre, fais pas le pitre, on a côtoyé chaque lettre. Fais chaque titre pendant qu'ils tapent des charclettes. On représente le rap sensé, y'en a marre des sales chansons. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de penser. On pousse fort comme les temps de sagesse. Pas trop pas quand tu serais, donc augmente quand tu sens que ça gère. Mec, les tasses qu'on plante sont passagères. Les tasses qu'on plante nos jours, faut apprendre le coup de contact, mon pote. Donc range ton code et reste discret. Tu sais pas tout ce qu'on compte quand ça botte, même si t'es distrait.